بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات لهذا الدرس الثاني في شرح أصول الإيمان للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Bienvenue frères et sœurs pour ce deuxième cours dans l'explication du livre Usul al-Iman, les fondements de la foi de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Wa qad ra'ayna awwal hadith dhakarahu al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah fi bab ma'rifatillahi ta'ala wal iman bihi. Nous avons vu précédemment le premier hadith que l'auteur l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah a cité dans le chapitre lié à la connaissance d'Allah le Très-Haut ainsi que la foi en lui. واليوم الحديث الثاني aujourd'hui le deuxième hadith قال المؤلف l'auteur il nous dit عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات. Selon Abu Musa qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a cité cinq paroles. فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامُ. Alors, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, certes Allah le Très-Haut ne dort pas. Et il n'est pas convenable qu'il dorme. يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ. Il diminue en justice, en toute justice, et élève. يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ. Certes, les œuvres de la nuit sont élevées vers lui avant les œuvres du jour. وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ. Et les œuvres du jour sont élevées avant les œuvres de la nuit. حِجَابُهُ النُّورِ. Son voile est hijabu an-nur. Son voile est la lumière. لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَنْ تَهَى إِلَيْهِ بَصَرُ مِنْ خَلْقِهِ. Et donc son voile est la lumière. Si il le lève, donc s'il lève le voile, la lumière de son visage va alors brûler tout ce que son regard, que sa vision atteint parmi ses créatures. Rawahu Muslimun, rapporté par l'imam Muslim. Qala al-'allamatu al-Fawzan, hafidhahullah, hadha al-hadithu 'azimun. Fihi ta'rifun billahi 'azza wa jalla. Le savantissime Al-Fawzan, il dit, ce hadith est grandiose. Il y a dans ce hadith, dans celui-ci, il y a l'enseignement de la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Fakawluhu, inna Allah ta'ala la yanam. Fakad nafa Allah ta'ala an nafsihi nawma fil Qur'an il Karim. Le fait qu'il dise, sallallahu alayhi wa sallam, certes Allah ta'ala ne dort pas. Allah a nié, Allah le Très-Haut a nié le concernant le fait de dormir dans le Coran. Faqala subhanahu, Allah le Très-Haut, Allah subhanahu, il dit la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Il n'est pas touché par la somnolence ni la fatigue. Il n'est pas touché par la somnolence ni le sommeil. لأن النوم موتة صغرى ولأن النوم ضعف في النائم. Car le fait de dormir est une petite mort. Et le fait de dormir est une faiblesse en celui qui dort. والله تعالى ينزه عن ذلك. Et Allah le Très-Haut est exempt de cela. وذلك لكمال حياته. Et cela par l'aspect parfait de sa vie. Intaha. Fin de citation de la parole de Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. فالنوم صفة من صفات البشر والمخلوقات. La, le fait de dormir fait partie des attributs des êtres humains et des créatures de façon générale. La yusafu Allahu biha li'anna fiha naqsun. Allah n'est pas décrit par cet attribut, le fait de dormir, car il y a dans cet attribut un défaut, un manquement. Wallahu la yattasifu illa bil kamal. Et Allah n'est décrit que par la perfection. Fannaimu yughlabu aqluhu. Le dormeur perd le contrôle de sa raison. Faqad yuf'alu bihi umur wa huwa la yash'ur kal mayyit li'anna an-nawm mawtatun sughra kama taqaddam. Et donc, celui qui dort, il perd le contrôle de sa raison, et on peut faire de lui des choses sans qu'il le sente. Car le fait de dormir est une petite mort, comme on l'a cité précédemment dans la parole de Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Et celui qui dort, il peut être ici avec nous, à Villerue, mais il pense qu'il est à Washington, ou à Mecca, ou ailleurs. Mais il est ici à Villerue. Et donc, il perd le contrôle de sa raison. Wal-insan muhtajun ila an-nawm liyartaha wa yujaddida quwwatahu ba'dama ta'ib li'anna al-insan da'ifun yat'ab. Et l'être humain a besoin de dormir afin de se reposer et se renforcer physiquement. Après avoir été fatigué, car l'être humain est faible, il se fatigue. Allah Ta'ala qui dit « Wa khuliqa al-insanu da'ifa » et l'être humain a été créé faible. « Amma Allahu Ta'ala fa la yanam wa la yahtaju ila an-nawm wa la yat'ab » En ce qui concerne Allah le Très-Haut, alors il ne dort pas et il n'a pas besoin de dormir. Et il n'est pas touché par la fatigue. D'ailleurs, petite parenthèse, le verset qu'on a cité tout à l'heure, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, il n'est pas touché par la somnolence ni le sommeil. Allah Ta'ala, il n'a pas dit il ne dort pas. Il n'est pas touché par la somnolence ni le fait de dormir. Allah n'a pas dit il ne dort pas. Mais il a bien dit il n'est pas touché. Certains savants, ils disent que cela montre deux éléments très importants. Première chose, c'est que Allah ne dort pas. Deuxième chose, c'est que Allah ne dort pas parce qu'il ne veut pas dormir, mais aussi parce que ce n'est pas possible que le sommeil le touche. On fait la distinction entre les deux. L'être humain, il se peut qu'un jour l'être humain dise « Moi aujourd'hui je ne vais pas dormir, je ne dors pas. » Il va se battre contre lui-même, boire du café, prendre des médicaments ou autre pour faire une nuit blanche, le lendemain il continue, il ne dort pas. Mais au bout d'un moment, qu'il le veuille ou non, il sera touché par la fatigue, par le sommeil. Au bout d'un moment. Et donc, Allah Ta'ala, il ne dort pas. Parce qu'il ne veut pas dormir et il n'en a pas besoin. Et le sommeil ne le touche pas. Tellement il est parfait, subhanahu wa ta'ala. Wa fi hadha ردنا على النصارى الذين وصفوا الله تعالى بالنقائص. Et il y a en cela une réplique aux chrétiens qui ont donné des caractéristiques manquantes de défauts à Allah le Très-Haut. ومنها قولهم إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع. Et parmi ces accusations parmi ces caractéristiques de faiblesse qu'ils ont attribuées à Allah. Leurs paroles lorsqu'ils disent que Allah a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis il s'est reposé le 7e jour. Mais akbaha hadha al-qawl. Comme cette parole est moche, laide, immonde. La yahtaju Allahu ila raha. Allah n'a pas besoin de repos. Wa qad radda Allahu ta'ala ala hadhihi at-tuhma fi kitabihi. Allah a certes répliqué à cette accusation dans son livre. Allah a dit: Wa laqad khalaqna as-samawati wal-ard wa ma baynahuma fi sittati ayyam. Certes, nous avons créé les cieux et la terre, et ce qu'il y a entre les deux, en 6 jours. En 6 jours. Sans éprouver la moindre lassitude. Sans éprouver la moindre lassitude. Allah n'a pas besoin de se reposer. Kayfa yuqal inna Allah attakhadha yawman yastarihu fi. Comment pouvons-nous dire que Allah a choisi un jour pour se reposer durant celui-ci? Ta'ala Allahu amma yakulun. Allah est au-dessus de ce qu'ils disent. Fallahu la yanam. Wa la yanbari lahu an yanam. Likamali hayatihi. Allah ne dort pas et il ne convient pas qu'il dorme par la perfection de sa vie. Wa law annahu nam. Faman yudabbiru al-khalq. Et si Allah dort, alors qui gère la création? Qui gère le monde pendant qu'il dort? C'est vrai, cette parole est totalement immonde et totalement contraire à la raison. Qui gère le monde s'il dort? Subhanallah. Wa qawlu nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam wa la yanbaghi lahu an yanam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit, et il ne convient pas qu'il dorme, il ne convient pas qu'Allah dorme. Aï yastahil. Ce qui est voulu par là, il ne convient pas qu'il dorme. Ce qui est voulu par là, c'est-à-dire, il est impossible. Attention, hein, ce qui est voulu par là, c'est il est impossible qu'il dorme. Fa inna hadhihi al-lafza ta'ti fil Qur'an bi ma'na al-istihala. Car cette parole, la yanbari, il n'est pas convenable. Elle a été citée dans le Coran et aussi elle vient avec le sens il n'est pas possible, il est impossible. Allah Ta'ala, il dit dans le Coran: Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada. Laqad ji'tum shay'an idda. Et il dit: Le tout miséricordieux a eu un enfant. Certes, vous avancez une chose abominable. Certes, vous avancez une chose abominable. C'est pour vous montrer cette parole, comment elle est immonde. Il y a en cela un rappel pour tous nos frères et sœurs qui se sont convertis et qui ont encore des parents chrétiens, pour qu'on se réveille et qu'on aille les prêcher, qu'on se fatigue en cela. Pour vous montrer la gravité de cette parole. Parfois, quand on parle avec certains de nos frères, Yahri, va faire da'wah à tes parents. Ah non, non, moi je retourne pas là-bas. Yahri, tes parents, ils prononcent des paroles immondes. La famille, ils prononcent des paroles immondes, abominables. Va faire une cause pour les guider. Pour qu'Allah les guide. Regardez ce qu'Allah Azzawajal, il dit de cette parole. Tellement elle est grave. Vous avancez certes une chose abominable. Takadu as-samawati yatafattarna min wa tanshaqqu al-ard wa takhirru al-jibalu hadda. Peu s'en faut que s'effondrent les cieux et que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent à cause de cette parole. À cause de cette parole, les cieux qui s'en trouvent La terre qui se fend, les montagnes qui s'écroulent. Anda'u lirrahmani walada. À cause du fait qu'ils aient attribué un enfant au tout miséricordieux. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Et il ne convient pas au tout miséricordieux d'avoir un enfant. Ce qui est voulu par là, c'est il est impossible. Les savants du tafsir, ils disent. Les savants du tafsir, ils disent ce qui est voulu par là, c'est il est impossible que le tout miséricordieux ait un enfant. Et donc ici, le sens, l'ayan bari, il n'est pas convenable. Il vient donc avec le sens, excusez-moi, ici le terme, l'ayan bari, le terme, il n'est pas convenable. Il vient dans le sens, il n'est pas possible. Et aussi, lorsque Allah Ta'ala, il dit dans le Coran, la shamsu yanbari laha an tudrika al-qamar. Et le soleil, il n'est pas convenable qu'il rattrape la lune. Ay yastahilu hasba al-'ada allati ajraha Allah Ta'ala. C'est-à-dire que il est impossible que le soleil rattrape la lune selon le parcours que Allah a déterminé pour ses créatures. Il n'est pas possible. Fakawluhu yakhfidul qista wa yarfa'uhu. Et donc lorsque Allah il dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, Allah il diminue en toute justice et il élève. Ay anna Allah yahkumu bil qist fa yarfa'u bihi aqwaman wa yakhfidu akharin. C'est-à-dire que Allah il juge en toute justice et que par sa justice il va élever certains et il va en rabaisser d'autres. وقيل ايضا القسط في الحديث بمعنى النصيب من الرزق. Et il fut aussi dit parmi les gens de science que le mot qist dans le hadith il signifie la portion de subsistance. La portion de subsistance. Et là on va traduire en disant Allah diminue la portion et il l'augmente. Aï أن الله تعالى ينزل أو ينزل النصيب من الرزق فيوسع ويضيق لمن شاء من عباده. C'est-à-dire, et donc à ce moment-là, on dira que ce qui est voulu ici, c'est que Allah Azza wa Jal, il fait descendre la subsistance. Et il l'augmente et il la diminue pour qui il veut parmi ses serviteurs. Allah Ta'ala qui dit dans le Coran, Allah yabsutu ar-rizqa liman yasha'u min 'ibadihi. Allah est aussi Allah yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah, il augmente la subsistance à qui il veut et il la diminue à qui il veut. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans ce hadith, les œuvres de la nuit sont élevées vers lui avant les œuvres du jour, et les œuvres du jour sont élevées vers lui avant les œuvres de la nuit. فَهَذِهِ صِفَةُ اللَّهِ دَائِمًا أنه ينزل الأرزاق والمقادير ويرفع إليه العمل الصالح فيستحيل أن ينام أو يموت ثلاثة أيام ثم يقوم من قبره كما زعمه زورا النصارى. Et donc ceci est l'attribut d'Allah Ta'ala tout le temps. Tout le temps Allah est qualifié comme cela. C'est-à-dire que il fait descendre la subsistance et détermine les décrets. Vers lui sont élevées les œuvres pieuses. Et donc, il n'est pas possible qu'il dorme. Puisqu'il fait ça tout le temps, il n'est pas possible qu'il dorme. Ou alors qu'il meure 3 jours, puis qu'il se lève de sa tombe au bout du 3e jour, comme l'ont prétendu les chrétiens. Ta'ala Allahu amma yakulu dhalimun, uluwan kibira. Allah est bien au-dessus de ce que les injustes disent. فَلَوْ أَنَّ اللَّهَ نَامَ مَنْ يُنْزِلُ الرِّزْقَ. Si Allah dort, alors qui fait descendre la subsistance sur ses serviteurs? Vers qui les œuvres vont monter si Allah dort? Si Allah est mort 3 jours, qui a géré la création? C'est pour vous dire que les chrétiens se contredisent totalement. Comment pouvez-vous dire qu'il est mort 3 jours? Et donc, qui gérait la création pendant qu'il est mort 3 jours? Ils vont nous dire, non, c'est le Père. À ce moment-là, vous avez 2 divinités distinctes. Vous êtes donc des polythéistes, et vous l'avouez vous-même. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit, « Hijabuhu nur » Son voile est la lumière. Subhanallah. Son voile est la lumière. Qassam al-ulama an-nura ila qismayn. Nurun hissiyyin wa nurun ma'nawi. Les savants, ils ont divisé la lumière en 2 types. Une lumière sensorielle que nous ressentons par nos sens et une lumière au sens figuré. Une lumière figurée. Wal murad bin-nur huna huwa an-nur al-hissiy. Ce qui est voulu par la lumière ici, c'est la lumière donc dans le sens sensoriel, c'est-à-dire que nous ressentons, nous, et donc le sens sensoriel. وَهُنَا كَتَقْسِيمٌ آخَرٌ فَإِنَّ النُّورَ قَدْ يَكُونُ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ فَهُوَ غَيْرُ مَخْلُوقٍ وَقَدْ يَكُونُ نُورًا مَخْلُوقًا كَنُورِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ. Et aussi, il y a aussi une autre façon de diviser la lumière. On a divisé la lumière en 2 parties. On peut dire propre, sens propre et sens, au sens propre et au sens figuré, ou alors sensoriel, comme je l'ai dit, et donc non sensoriel. Et une 2e façon de diviser la lumière, c'est-à-dire le fait de dire qu'il y a une lumière qui fait partie des attributs d'Allah et donc qui n'a pas été créée, et une lumière qui ne fait pas partie des attributs d'Allah, mais des créatures d'Allah, comme la lumière du soleil et de la lune. فَحِجَابُ اللَّهِ تَعَالَى نُورٌ. Et donc le voile d'Allah est une lumière. Le voile qui fait que ses serviteurs ne peuvent le voir. C'est une lumière. Allah نُورٌ. Et aussi Allah est une lumière, comme cela a été cité dans le Coran. Allah Ta'ala qui dit Allahu nuru samawati wal ard. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Wa fi sahih Muslim an Abi Dharr qal sa'altu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam hal ra'aita rabbak qal nurun anna ara. Et aussi dans Sahih Muslim, selon Abi Dharr, qui dit, j'ai demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, as-tu vu ton Seigneur? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, une lumière, comment puis-je le voir? Wa aydan min asma'illah, an-nur. Et aussi parmi les noms d'Allah, il y a an-nur, la lumière. Fal-ibadu, la yaqdiruna ala ru'yati Allahi fi ad-dunya. Et donc les serviteurs, ils ne peuvent pas voir Allah ici-bas. Lidhalika qala fi akhir al-hadith, hijabuhu an-nur, law kashafahu la ahraqat subuhat wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqihi. Et donc, les serviteurs ne peuvent pas voir Allah ici-bas. C'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit à la fin du hadith, son voile, c'est-à-dire le voile d'Allah, son voile est la lumière. S'il le lève, alors la lumière de son visage va brûler tout ce que son regard, que sa vision atteint parmi ses créatures. Aïe, jami' al-khalq. C'est-à-dire que toutes les créatures vont brûler, car Allah, rien ne lui est caché, et il voit tout. Donc toutes les créatures vont brûler s'il lève son voile. Qala ta'ala, Allah le Très Haut qui dit, وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. Et lorsque Moussa vient à notre rendez-vous et que son seigneur lui eut parlé, il dit, c'est-à-dire Moussa, il dit: ô Seigneur, montre-toi à moi afin que je te voie. Il dit, c'est-à-dire le Seigneur, Allah, il dit: tu ne me verras pas, mais regarde la montagne, et s'il tient en place, et si elle tient en place, alors tu me verras. Mais lorsque son Seigneur se manifesta à la montagne, celle-ci fut pulvérisée, et Moussa s'effondra. Et Moussa s'effondra, foudroyé. Subhanallah. Fallahu ta'ala min azamatihi la yura fi dunya. Al-jabal lam yatahammal anna Allah tajalla lahu. Wa kharra Moussa sa'iqa. Et donc Allah, le Très-Haut, de par sa magnificence, sa puissance, on ne peut le voir ici-bas. La montagne n'a pas supporté que Allah se mette en évidence pour elle, que Allah se montre. Et Moussa s'est effondré, foudroyé. Et donc ici-bas, nous ne pouvons pas supporter le fait de voir Allah Ta'ala. Amma fil akhirah. أما في الآخرة فالله يعطي عباده من المؤمنين قوة يتمكنون بها على رؤيته. Tandis que dans l'au-delà, Allah le Très-Haut, il accorde à ses serviteurs parmi les croyants, aux croyants parmi ses serviteurs, Allah Ta'ala, il leur accorde une force leur permettant de le voir. Allah Ta'ala qui dit: wujuhu yawma idhin nadira. Des visages ce jour-là seront illuminés. Ila rabbiha nadira. Regardant leur Seigneur. Fallah la yastati'u al-ibadu an-nadara ilayhi subhanahu fi ad-dunya. Et donc Allah, les serviteurs ne peuvent le regarder ici-bas. وفي هذا بيان كاذب النصارى حينما زعموا أن الله قد ضربه عباده وقتلوه. Et il y a en cela le mensonge évident des chrétiens lorsqu'ils ont faussement prétendu que Allah fut frappé par ses serviteurs et qu'ils l'ont tué. A'udhu billah. Comment dire une telle parole? Une divinité qui se fait frapper et tuer par ses serviteurs? Allah Ta'ala, on ne peut même pas le regarder. Pourquoi? Comment oser dire qu'il s'est fait frapper et tuer? On n'arrive même pas à le regarder. Subhanallah. Et donc ce hadith est très important, les frères. Très très important. Comme l'a montré Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullahu ta'ala. Et on va arrêter là pour aujourd'hui, bi'idhnillah, ça fait déjà 30 minutes. On demande à Allah Azza wa Jal